Viens, on prendra des chemins que tu ne connais pas. On perd, on gagne, tu sais bien. La vie c'est ça, belle comme elle est, quand le ciel s'ouvre par endroits. Non, ne lâche pas, ne laisse pas décider pour toi. Stand up, stand up, stand up, où que tu sois. Stand up, stand up, stand up, encore une fois. Oui, y a des hauts, y a des bas, on en rira. Vis aussi fort que tu dois, mais vis aux éclats. Va où tu veux, où tu peux, où tu dois, mais joue le jeu, joue comme je joue pour toi. Va où tu veux, où tu peux, où tu dois, mais joue le jeu, joue comme je joue pour toi. Pour tenir bon, tenir tête sous les affronts, dans les tant pis, les tempêtes, tu peux crier ton nom. Stand up, stand up, stand up, où que tu sois. Stand up, stand up, stand up, encore une fois. Toi et moi, on pourrait vivre tout ça. Et moi, on a déjà tellement fait de pas. Toi et moi, mais moi, sans toi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais là. Stand up, stand up, stand up, où que tu sois. Ici ou